grain de sable dans la machine. Et passe les âges, le temps teste tes vertus. Petit renard, il te faudra bien du courage pour pas finir perdu. L'espace et l'orage, derrière le soleil brille, as-tu vu? Si je te disais, tout peut changer, me croirais-tu? Bienvenue, bienvenue au Grain de Sable. Ici Jean Cloutier en studio avec Étienne Blondeau, chroniqueur, qui interviendra après Alain Donneau, vous savez, ce philosophe connu, oui, enseignant à l'Université de Montréal, mais surtout présent au Salon du Livre avec nous. Alain Donneau, essayiste, auteur d'une escroquerie légalisée. Ben oui, il faut bien en parler. Un précis sur les paradis fiscaux, ça fait suite à quelques autres ouvrages dont vous avez eu la chance d'entendre parler à Grain de Sable. Évidemment, on est toujours là pour faire dire des choses qu'on ne peut pas dire. Et d'ailleurs, j'espère qu'Alain Donneau, vous êtes à l'aise d'être dans une radio libre, engagée. Bonjour, oui, tout à fait. Bonjour. Alors, Alain Donneau, merci d'être avec nous. Vous êtes ce genre d'essayiste capable de faire bouger les plaques tectoniques que vous disiez hier au salon et dire tout haut ce que l'on pense sur les banquiers législateurs. Et ça, pas depuis hier, pas depuis dimanche dernier, à tout le monde en parle. Non. Depuis 1919, vous vous promenez avec votre baluchon ici, à travers le monde, pour faire en sorte qu'on en parle, que tout le monde en parle. Et évidemment, vous en parlez de conférences, en colloques, de livres, en salon du livre. Vous êtes là pour porter le flambeau. Même des fois dans des commissions parlementaires, vous avez le front tout le tour de la tête de dire à nos politiciens, aux représentants de ce digne conseil exécutif de notre État, que les paradis fiscaux, bien, écoutons, faut pas juste en parler, il faudrait peut-être agir. Donc, merci de venir mettre votre grain de sable à CKRL, Radio Indépendante. Qu'est-ce que vous pouvez dire, que vous avez pu dire à Radio-Canada dimanche dernier? Non, ben je reprendrai des éléments déjà de ce que vous avez esquissé, à savoir qu'effectivement, il y avait quelque chose de donquichotesque à s'attaquer aux paradis fiscaux, ne serait-ce que d'un point de vue, du point de vue de la recherche, comme du point de vue de la pensée politique au début des années 2000. Et aujourd'hui, il est vraiment rassurant de voir que, d'une manière générale, on fait les liens entre, ne serait-ce qu'entre les budgets d'austérité que les gouvernements votent année après année dans les différents pays d'Occident et le phénomène des paradis fiscaux. C'est-à-dire que les paradis fiscaux ne sont pas simplement un objet qui concerne ceux qui sont attirés par la question de la fiscalité sur un plan particulier. Et au contraire, les paradis fiscaux concernent tous nos problèmes, quoi. C'est-à-dire que dès que les gouvernements nous disent qu'ils n'ont pas de moyens, n'ont pas d'argent, n'ont pas d'autorité pour s'attaquer à des problèmes tels que le sous-financement des institutions publiques, l'enjeu de la santé, l'enjeu de la recherche, l'entretien du système routier, l'accès à la justice, l'enjeu du logement, la solidarité internationale, l'économie locale, ainsi de suite. On comprend qu'en fait, ils nous disent qu'ils ne sont pas capables de faire le poids par rapport à la haute finance, par rapport aux détenteurs de fortune, par rapport à la grande industrie, qui concerne des acteurs capables de se soustraire à leurs obligations fiscales. Quand des entreprises délocalisent des milliards de dollars dans les paradis fiscaux, ça fait cela de moins d'imposer pour financer les services publics et les institutions tierces que doivent être celles de l'État. En table ronde hier au Salon du Livre sur le thème « Soldats de la plume critique », vous étiez avec Roméo Bouchard, entre autres. Vous vous êtes défini plutôt comme un Zorro ou une sorte d'agent secret dénonciateur d'idéologie. Doutez-vous que les États-nations que vous critiquez, en fait, sont leurs propres adversaires de l'État de droit? Ben, aujourd'hui, je dirais que l'adversaire principal du capitalisme, c'est le capitalisme lui-même, quoi. C'est-à-dire que le capitalisme est en train de générer une adversité contre ce qu'il est, contre son propre régime, et évidemment contre nous tous, puisqu'on est en quelque sorte pris dans ce système. Une sorte de cancer, en fait, qui ronge la structure elle-même dont on dépend. Il est fascinant, intriguant et inquiétant en même temps de voir aujourd'hui le nombre de libéraux, d'ultra-libéraux, d'économistes, d'investisseurs qui critiquent le système qui pourtant les a si bien traités parce qu'ils voient très bien à quel point ils nous entraînent collectivement à notre perte. Hein. Je pense à Joseph Stiglitz qui est critique de la Banque mondiale après y avoir travaillé, à Larry Fink qui est un grand investisseur touche d'importants dividendes et en même temps qu'il critique cette logique voulant que les actionnaires soient financés, rétribués largement par les entreprises au point qu'elles se dépaissent et en quelque sorte s'écroulent sous le poids des dividendes qu'il faut transférer aux actionnaires. On a en Warren Buffett quelqu'un qui critique le fait que sa secrétaire fait plus d'impôts que lui. On a en George Soros un spéculateur sur les monnaies qui s'inquiète du fait que lui-même se voit capable de faire s'écrouler des économies nationales entières de par ses seules initiatives spéculatives. On va voir Marc Roche qui est le journaliste correspondant du Monde dans le domaine financier, qui est un libéral, là, qui est un capitaliste affirmé, qui présente le capitalisme contemporain comme étant criminel, hors la loi, soustrait à toute règle et au fond destructeur. On a Raymond Becker qui est un investisseur en Afrique qui condamne la façon dont les investisseurs en général, les entreprises contournent les institutions publiques en Afrique et appauvrissent le continent, et je pourrais continuer ainsi longtemps. Donc aujourd'hui, les critiques les plus virulents envers le capitalisme sont les capitalistes eux-mêmes, ceux qui en tout cas ont un moment, une lueur de lucidité ou suffisamment d'honnêteté intellectuelle pour critiquer un système dont ils voient bien, même s'ils en profitent largement, qu'il est en faillite, qu'il concourt à notre perte collectivement. Vous avez bien raison. Stiglitz est un très bel exemple qui exprime ce vire-capot, puisque comme prix Nobel de l'économie et ancien conseiller de Bill Clinton, à ce moment-là président des États-Unis d'Amérique, on comprend très bien qu'il a viré son capot de bord après avoir travaillé en plus à la Banque mondiale. Donc, la tendance est bonne. Depuis 2000, vous vous promenez avec votre baluchon à pourfendre la situation. Est-ce que on peut quand même donner quelques exemples, des chiffres pour donner l'ampleur du problème? Un article récent dans le Global Mail nous mentionnait que vous êtes l'homme de 21 000 milliards. Dans le fond, c'est l'équivalent de l'économie des États-Unis et du Japon. Les plus grandes entreprises américaines ont 1 400 milliards dans les paradis fiscaux. Définissez-nous un peu ce que sont ces paradis fiscaux et législatifs et judiciaires et réglementaires. En fait, je vous fais très bien dans votre livre « Une escroquerie légalisée » en 4 points. Oui. En fait, déjà, en ce qui concerne l'évaluation, on dit effectivement qu'il y a 21 000 milliards de dollars dans les paradis fiscaux. Ça veut dire 21 et 12 zéros. C'est colossal. Statistique Canada nous dit que les entreprises canadiennes ont au moins investi 200 milliards de dollars dans ces paradis fiscaux, ce qui est une statistique minimale, puisque Statistique Canada se contente de colliger des informations divulguées par les entreprises. Mais au-delà de ces appréciations chiffrées, il faut comprendre la nature exponentielle du phénomène des pertes qui sont celles des peuples du fait qu'on laisse ces milliards fuir. Déjà, ce sont des milliards qu'on n'impose pas. Il y a une hémorragie financière qui concerne tous les États et qui explique le manque à gagner dans le trésor public du fait qu'ils n'imposent pas un capital massif qui fuit le pays. Mais il y a d'autres problèmes aussi qui font suite à ce premier enjeu-là. À savoir que les capitaux qui restent, on les impose moins pour les inciter à rester. Donc, ça fait encore moins de fonds dans le trésor public. Ensuite, évidemment, il y a le service de la dette parce qu'on n'arrive pas à boucler le budget. On emprunte à des instances qu'on n'impose plus. Et les tarifs publics, les services publics qui restent font l'objet d'un tarif parce qu'on trouve par ce biais-là une nouvelle façon de combler le manque à gagner. Donc, finalement, ce sont toujours les peuples qui paient. Ils paient parce qu'il y a des paradis fiscaux, mais aussi plus largement, comme vous le disiez, des législations de complaisance, des législations de tout genre complaisantes qui permettent à des grands acteurs non seulement de contourner leurs obligations fiscales, mais de contourner la loi en général. Et le problème aujourd'hui dans la mondialisation, là, qui est largement dominée par des législations de complaisance, le problème c'est qu'aujourd'hui un acteur puissant, un détenteur de fortune, mais surtout une grande entreprise ou une institution financière peut très bien contourner la loi qui prévaut au Canada, aux États-Unis, en France, au Japon, en Inde, au Brésil, peut contourner la loi aisément parce qu'il s'agit simplement, lorsque vient le temps de mener une opération, de l'inscrire dans une législation de complaisance où ce qui est interdit chez soi sera permis là-bas. Donc, par des jeux d'écriture légale, par des jeux d'écriture comptable, par des stratagèmes liés au fait de créer des filiales dans des pays complaisants, on peut tout simplement, dans le domaine de l'assurance, du transport maritime, du travail, de la spéculation financière, du droit de propriété intellectuelle, des brevets, de l'industrie extractive, enregistrer dans un pays complaisant une activité qui serait étroitement ou plus sévèrement réglementé chez soi. Et ce problème-là, il est majeur, il est politique, parce qu'aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que l'état de droit, c'est-à-dire nos régimes politiques qui font l'objet de nos débats politiques pour la définition des politiques publiques, se trouvent complètement dominés par des institutions, c'est-à-dire les multinationales, qui surplombent les États et finissent par les dominer tellement ces multinationales sont puissantes et tellement elles sont affranchies de toute contrainte, contrairement aux citoyens de la classe moyenne qui, eux, doivent faire face à des normes, des lois, des contraintes, des règles pour vivre en société. Oui, d'ailleurs, j'aime bien les exemples concrets que vous donnez dans votre dernier ouvrage. C'est un peu pour résumer, en fait, plus d'une façon plus, comment dire, vulgarisée. Ça se lit très bien. Et entre autres, j'aime bien le tableau à la page 23 où vous énumérez chacune de ces propriétés, que chacun des États se spécialise. On entend beaucoup parler de Panama ces temps-ci. On a entendu parler du Delaware, ici, en Irlande aussi, pour les auteurs. Mais le Canada lui-même, il fait partie de votre liste de tableaux qui nous rappelle qu'on est quand même une sorte de paradis judiciaire et réglementaire pour les sociétés minières d'exploration. Oui. Tout à fait. En fait, faut voir les paradis fiscaux comme les boutiques d'un centre commercial. S'il y en a 90 dans le monde, c'est parce que chaque paradis fiscal, chaque législation de complaisance a sa particularité propre, son champ d'expertise. On fait pas la même chose au Libéria qu'à Guernesey ou au Panama. Et donc, dans chaque cas, il s'agit d'ultra-libéraliser, pour ainsi dire, de rendre tout à fait déréglementer un secteur d'activité particulier. Donc, si on veut immatriculer des navires, on va au Libéria ou en République maltaise. S'il s'agit d'avoir des conditions avantageuses en ce qui concerne les brevets ou le droit de propriété intellectuelle, c'est l'Irlande. La spéculation financière se refera plutôt aux îles Caïmans. Le blanchiment de fonds issus du narcotrafic aura plutôt lieu au Panama. Et quant au Canada, lui qui fait partie de ce grand réseau de paradis fiscaux, sa spécialité concerne l'industrie minière. 3 sociétés minières sur 4 dans le monde sont canadiennes. C'est pas parce que les investisseurs miniers trouvent Toronto excitante ou qu'ils aiment la poutine, mais ils viennent au Canada de l'Australie, d'Israël, de Suède, de Belgique, de France, des États-Unis pour enregistrer leurs actifs au Canada, pour créer des sociétés et des filiales dans le domaine minier au Canada, de façon à pouvoir exploiter ailleurs dans le monde, pas au Canada, mais ailleurs dans le monde, à nouveau, des sites miniers ou faire de l'exploration dans des sites miniers dans tous les coins du monde. Le Pérou, l'Argentine, la Colombie, la Tanzanie, le Mali, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, la Roumanie, ainsi de suite. Et en fait, pourquoi faire ce grand détour? Pourquoi, lorsqu'on est belge, on crée une société minière au Canada pour exploiter une mine de cuivre au Congo? C'est tout simplement parce que notre pays, de la même manière que le Bahamas l'a fait par rapport au secteur bancaire, notre pays offre un cadre avantageux, très permissif et couvert du point de vue du droit à des sociétés minières qui n'auraient pas ces avantages-là si elles étaient enregistrées aux États-Unis, au Royaume-Uni, ou en Allemagne. Mais Alain Deneau, si vous étiez premier ministre, quand même, on peut rêver ici à grain de sable. On a entendu le premier ministre Trudeau dans l'élaboration des mandats à Stéphane Dion, ministre des Affaires étrangères, de parler qu'il devait faire des efforts pour contrer les paradis fiscaux, justement. Est-ce que vous y croyez? Est-ce que vous, comme premier ministre, vous feriez plus que ça? Oui, j'ose pas imaginer en quelle formation politique je serais si j'étais premier ministre, mais ce serait pas celle qu'on a maintenant de toute façon. Mais pour parler en termes pratiques, le parti attaque Québec, par exemple. Ce qui est très navrant actuellement quant à ce que nous donne à voir le gouvernement fédéral, c'est qu'il ne sait même pas quel ministre envoyer au front pour prétendent lutter convenablement aux paradis fiscaux. C'est-à-dire qu'on a eu la ministre Le Boutillier du Revenu qui nous a exposé un certain nombre de décisions administratives cette semaine qui n'étaient tout simplement pas à la hauteur, tout simplement parce que son ministère n'a même pas les prérogatives pour faire la lutte aux paradis fiscaux, puisqu'il ne s'agit pas de mettre quelques policiers de plus sur la voie publique ou d'avoir quelques vérificateurs qui vont fouiller 2-3 dossiers de plus par année pour aller chercher, je ne sais pas, à la marge quelques poignées de fonds supplémentaires. L'idée consiste à s'attaquer à une architecture qui permet aux entreprises de contourner légalement le fisc et à cette même architecture qui permet aux particuliers de dissimuler des fonds au fisc sans qu'il soit possible d'avoir accès aux données. Donc les paradis fiscaux, les législations de complaisance constituent une série d'États qui sont des adversaires de l'État de droit, qui sont nos adversaires en termes structurels. Et donc l'idée consiste pour les États, et on l'a compris aux États-Unis, en France, en Allemagne, au Royaume-Uni, et ici on n'a pas compris, l'idée consiste à s'en prendre à ce régime-là, sur un mode politique, sur un mode diplomatique. Donc c'est le ministère des Affaires étrangères, c'est le bureau du Premier ministre, c'est le ministère des Finances qui doit être mobilisé sur cette question-là, comme partout dans le monde, mais surtout pas simplement la ministre du budget et du revenu qui va feindre être capable, par ses 2-3 décisions administratives à la marge, d'intervenir. Et donc, il faut vraiment comprendre que l'enjeu est politique. Bien entendu que les grands États sont complices de la création des paradis fiscaux. Ils ont eu leur mot à dire dans l'histoire. Ils ont été très complaisants eux-mêmes. On les excusera pas, mais on comprend aujourd'hui que le phénomène va beaucoup trop loin. Les populations sont conscientes du problème et faudrait que, ici, si le gouvernement veut faire seulement de la com, là, de la communication sur ces questions-là, au moins il devrait faire semblant de comprendre le problème. Oui, mais en terminant, Alain Delau, merci beaucoup. Mais il y a quand même, vous savez, Attac Québec est pour une transaction sur les, une taxe sur les transactions financières et l'action citoyenne. Certes, vous êtes un de ces personnages importants pour faire connaître ce problème et comme porte-parole d'Oxfam, on vous en remercie. Mais vous savez, il y a quand même des gens d'affaires qui peuvent faire un effort outre les gouvernements qui nous gouvernent. Par exemple, moi j'ai un exemple. Il me semble que ça existe des personnalités d'affaires à Toronto, qu'on connaît bien ici au Québec, qui investissent dans des collections d'œuvres d'art, qui se font même construire des pavillons au Musée du Québec, qui ont fait fortune avec l'art, qui ont fait fortune en étant même reconnu comme au temple de la renommée des minières à Toronto et qui ont créé une sorte de société de redevance autofinancée basée sur le modèle utilisé dans l'industrie du gaz et du pétrole, mais centrée sur l'art. Donc, c'est un héros, ces gens-là. Des fois, se font pardonner en disant, ben, je vais acheter des œuvres d'art, pour l'impôt que j'ai pas payé, je vais plutôt m'impliquer, construire des musées, donner mon nom à des facultés de sciences et génie. Est-ce que c'est une bonne façon de compenser son manque d'impôts à payer? Ben, on devrait plutôt payer ses impôts, tout simplement. Surtout qu'on sait très bien que l'art est une façon de blanchir des fonds, contourner le fisc, c'est une sorte d'abri fiscal, même chose pour les fondations caritatives. Plutôt que de laisser des multinationales dicter ce qui est bon pour l'ensemble de la société, on devrait soumettre ce débat-là à la délibération publique et plutôt développer des structures politiques qui permettent une participation plus grande des citoyennes et citoyens aux décisions collectives. C'est quand même pas les multinationales qui vont nous dire comment penser la charité après nous avoir tout enlevé. Merci Alain Deneau, invité d'honneur au Salon du Livre aujourd'hui. On va vous rencontrer, on va aller vous voir à 18h au Salon du Livre. Vous serez interviewé par Françoise Guénette. C'est une rencontre à ne pas manquer puisqu'on rappellera l'importance du contenu de votre dernier opus, une escroquerie légalisée, petit précis sur les paradis fiscaux, ainsi que la médiocratie aux éditions Luxe. Alors, on remercie les éditions Éco-Société de nous rendre disponible Alain Deneau. Merci beaucoup. Zorro. Merci à vous. Oui, merci. Bonne journée. Alors, merci. On salue les gens au Salon du Livre et on vous applaudit d'être sur place pour toujours être capable d'en apprendre plus sur ce qui se passe ici même à Québec en cette belle journée ensoleillée. Non, n'hésitez pas. Rendez-vous au Salon du Livre pour rencontrer Alain Deneau et d'autres auteurs. Je vous recommande d'aller faire un petit tour aux éditions Éco-Société parce qu'hier, en y allant, j'ai rencontré des auteurs qu'on vous invitera ultérieurement, dont Roméo Bouchard et bien d'autres tellement intéressants. Bien sûr, nous voulons quand même vous dire ceci. Mission Impossible, Étienne Blondeau, chroniqueur régulier, merci d'être là pour nous dire comment faire progresser une telle idée là, de bataille, de se transformer en soldat nous-mêmes contre les paradis fiscaux, contre les législations complaisantes et ces règlements là, qui sont faits tout prêts pour nos amis millionnaires et milliardaires. Oui, aujourd'hui j'avais le goût de donner quelques trucs à tous les groupes de gauche qui aimeraient faire avancer leurs idées. Faut voir nos idées comme un peu un ballon qu'on tiendrait sous le bras parce qu'on est sur un terrain. Hein. Faut faire avancer nos idées. Et pour ça, faut savoir comment vulgariser, savoir comment contacter des personnes différentes et ne pas prêcher aux convertis. Alors, je vais donner quelques petits trucs aujourd'hui. D'abord, faut jamais utiliser les termes de ses adversaires. Si t'acceptes les mots de tes adversaires et que t'les utilises, c'est l'idée de l'adversaire que tu fais avancer. Par exemple, quelqu'un qui est plutôt de gauche, disons, devrait dire que l'État investit, hein, c'est le mot qu'il devrait utiliser, l'État investit dans l'économie. Il devrait dire ça plutôt que l'État dépense. Hein. C'est plutôt le langage de la droite que de parler des dépenses du gouvernement. Il faut employer des images fortes et c'est pour ça que j'aime déjà le livre d'Alain Deneau parce que quand on parle d'escroquerie légitimée, on appelle un chat un chat. C'est pas simplement un petit problème fiscal, ce sont des escrocs, faut le dire, des paradis fiscaux. Et je vous donnerai quelques trucs sur les mythes parce que souvent les groupes de gauche doivent essayer de casser des mythes qui sont partout dans les médias. Partout du côté du discours de droite. Et faut en parler le moins possible, finalement, de ces mythes-là. Sinon, en les répétant, on fait simplement que nos auditeurs croient à ces mythes-là. Faut éviter de les répéter. Faut simplement vendre sa propre salade, parler de ses propres idées. Très important. Alors, je pense que je vais parler de comment faire des images fortes d'abord. Moi, je lis un blogueur français excellent qui s'appelle Laurent Herblay et qui parle des paradis fiscaux. Mais lui, c'est intéressant, ce qu'il dit, on devrait peut-être essayer des nouveaux mots. Par exemple, moi, j'ai adopté son idée, on devrait parler, je crois, de parasites fiscaux plus que de paradis fiscaux. C'est toujours des hommes derrière les projets. C'est ça, parce que vous voyez, l'image est plus forte parce que le parasite fiscal, vous le voyez, hein, vous voyez quasiment le pouls de tête qui est sur notre économie à essayer d'aspirer des dollars qui nous reviennent pour vivre. Ces petits pays-là vivent en parasitant l'argent d'autres plus grosses nations. C'est pour ça que le terme de parasite fiscal est plus intéressant parce que si on parle de paradis fiscal, là, l'image que vous avez en tête... C'est le palmier... au Panama. C'est ça, vous voyez Saint-Pierre et les nuages. Ah oui, il fait beau, il fait toujours chaud. C'est ça. Alors que l'idée qu'on veut donner, c'est que c'est mauvais. C'est un mauvais système. Alors que le paradis, est-ce que le mot mauvais vous vient en tête? Non, mais non. Qu'est-ce qui est le contraire du paradis? C'est l'enfer. Exactement. Et je crois qu'à chaque semaine, dès qu'il est question de ces pays-là, j'entends toujours cet argument-là de la droite, là. Finalement, on se tire dans le pied. Parce que s'il y a des paradis, il y a des enfers. la droite a beau jeu de dire oui, il y a des États qui taxent trop. Au diable vos verres! C'est ça. Alors, c'est bien plus intéressant de parler de parasites fiscaux qui aspirent l'argent de nos économies pour les cacher au loin. Et parler aussi, je dirais, de désertion fiscale. Imaginez une armée, tout le monde essaie de faire sa part, mais là, il y en a un qui est riche et qui dit « Je suis trop bon pour ça, moi, contribuer à l'État. Je fais désertion et je me sauve aux Caraïbes. C'est plus intéressant que l'évasion fiscale. » Un bel exemple qu'Alain Deneau donnait hier au Salon du Livre. Ouais. Imaginez-vous que vous avez une voiture, vous êtes sur l'autoroute, puis on arrive à un poste de péage. Mais vous, comme citoyen, salarié, qui perd la moitié de son chèque de paye, à chaque paye, en fait, entre 30 et 50 %, bien sûr qu'on a des services, mais on veut les garder, les sauvegarder. Mais imaginez-vous que les voitures de luxe là qui vous dépassent à 100 à l'heure, ben contournent le poste de péage, qui est donc une partie pour les pauvres de ce monde. La classe moyenne doit arrêter, pour faire le rang, sortir son dollar, son 2 $, payer son poste de péage pour payer justement les routes, un bel exemple, oui. Utilisateur payeur. Alors que les voitures de luxe, les gens qui ont des limousines, eux ont une voie de contournement Et ils n'ont même pas arrêté ni à payer aucun frais. C'est ça, c'est une escroquerie. C'est pour ça que c'est pas un petit sujet quelconque. C'est vraiment... faut appeler un chat un chat. Tu sais, c'est un crime. Là. C'est une désertion. C'est alors que tout le monde se tient en rang serré puis essaie de garder l'État intact. Il y en a qui font désertion. Et c'est ça qui est dommage. Aussi, je pensais parler des discours les plus efficaces parce que le discours le plus efficace, c'est celui qui fait appel, je dirais, à l'identité. Hein. On pourrait dire, par exemple, les gens honnêtes n'ont pas un compte en Barbade. Comme ça, si on essaie de marteler ce message-là, finalement, on essaie de faire comprendre que les malhonnêtes, finalement, font la désertion fiscale. Donc, je pense. Si vous avez le goût d'en parler, eh bien, Étienne, tu vas être au kiosque d'Attaque Québec, au Salon des Alternatives, c'est ça. Qui se fait à la place Jacques-Cartier. En fait, pour ceux qui connaissent la bibliothèque Gabriel Leroy, au sous-sol, oui. Il y a un espace, et là, il y a une... Au plus de 20 groupes, même la CADEL est là. J'ai vu des gens de la Corderie. Il y a 25 groupes qui sont là, dont Attaque Québec. Mm-hmm. Et Dominique Bernier, qui est normalement avec nous en studio, est sur place. Et toi, Étienne, tu t'en vas la remplacer parce qu'à 15h, il y a un atelier qui va s'organiser sur la monnaie locale. Oui, c'est ça. Je serai là cet après-midi. Donc, on peut le rencontrer. Et en même temps, faites comme moi. Pour 2$, j'ai acheté la revue Vie économique en collaboration avec Attaque Québec, volume 3, numéro 3. Titré sur les paradis fiscaux, une injustice fiscale. Il y a un texte d'Alain Deneau dedans et je vais juste vous lire le titre. L'angle mort de l'évasion fiscale. Les grands fraudeurs québécois profitent de l'autocensure des autorités politiques. Donc, ça donne l'esprit du texte. Mm-hmm. Il y a d'autres bons textes signés. Pour 2$, sur place, vous allez avoir vraiment une revue qui a été faite en collaboration avec Attaque Québec et les éditions Vie économique, coopérative de solidarité. Vraiment bien faite. C'est une centaine de pages de documentation. Ne manquez pas le 20 avril prochain. Transition alternative, le mouvement décroissance des Amis de la Terre font une rencontre au Tam Tam Café, 18h45, ne manquez pas ça. La santé au Québec, repenser en profondeur un système, une culture, une activité qui aura lieu le 27 avril prochain au Centre Culture et Environnement Frédéric Bach de 19h à 21h30 le 27 avril prochain. Vous pourrez parler de la santé au Québec, repenser en profondeur un système, une culture. Il y aura Jacques Dufresne, philosophe, éditeur de l'Encyclopédie de l'Agora et d'Homo Viens, Isabelle Leblanc, médecin, présidente de Médecins québécois pour le régime public, Jean-Claude Saint-Onge, philosophe, auteur de livres « L'envers de la pilule ». Donc, vous voulez un livre qui a été aux éditions Éco-Société, justement, qui ferait face de Amir Kadir. Rendez-vous là, au Centre Frédéric Bach, mercredi 27 avril. Mais sinon, si le samedi prochain, vous êtes libre pour vous rendre à Portneuf à Saint-Casimir, ben moi, je vous invite au visionnement du film que j'ai réalisé, qui sera présenté. C'est son lancement mondial, samedi prochain à 10h à Saint-Casimir. Et moi, je vous parlerai justement, après le visionnement du film... en onde pour vous décrire comment ça s'est passé et puis vous parler de comment se déroule le festival de films pour l'environnement de Saint-Casimir qui commence le 22 avril avec un ciné-souper et qui se termine le dimanche suivant fin avril. Donc c'est un endroit à être, mais on se revoit la semaine prochaine, on se réentend la semaine prochaine à Grain de Sable. Merci Alain Deneau d'avoir été avec nous, merci Étienne Blondeau, on vous laisse avec les Geeks contre-attaque, manquez pas ça, c'est toujours intéressant, vous savez, c'est des petits comics les autres là. Téléchargez le grain de sable sur ckrl.qc.ca ou abonnez-vous à son podcast sur iTunes. Téléchargez le grain de sable sur ckrl.qc.ca ou abonnez-vous à son podcast sur iTunes. Kalachnikov, la compagnie, a décidé de refaire un branding, de refaire l'image du très vieux et quand même vénérable fusil, le AK-47. À partir de maintenant, le Kalachnikov, mesdames et messieurs, est une arme de paix. Toute l'actualité techno dans l'émission Les Geeks contre-attaquent dans un instant. Ouais, c'est sûr. C'est des chips de 6 pouces de large et de 4 mm d'épais. Voilà. Ouais. Ils sont plus gros que les chips ordinaires en plus. Qui viennent avec un petit sachet, que ça a l'air de la mayonnaise, mais en réalité, c'est du Saint-Doux. Ouais. Puis il y a comme plus de sel dedans. Puis en dedans, il y a du gravy. Ouais, c'est ça. Dans le fond, c'est la sauce qui tient le sel ensemble. Oh my God, qu'on est rendu loin! Le sac lui-même est frit. Les propriétés Marvel, Disney, oh Star God. Wars, Square Enix, Final Fantasy, dans la série. Afin de demeurer compétitif, tout entrepreneur doit s'adapter à un monde en constante évolution. Le Copilote réunit sous un même toit des professionnels de plusieurs disciplines désireux de mettre à profit leur expertise. Que ce soit dans les domaines de la gestion de la structure d'entreprise, ressources humaines, communication et marketing, technologie, comptabilité et juridique.